pas le bel. Pour seulement 35 $, tu auras la chance de déguster des whiskies ainsi que des bouchées spécialement concoctées pour l'occasion. Le tout dans une ambiance chaleureuse. Une soirée qui te mettra instantanément dans l'atmosphère des fêtes. Pour de plus amples informations ou pour acheter ton billet, corrigan.ca. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à l'animation. Eh non, c'est moi à l'animation. Lui, c'est à la mise en onde. Et au choix musical. Et voilà, c'est la semaine où Bruno concoque un choix musical. C'est toujours bon. Et ben il y a beaucoup de nouveautés, hein, de la musique d'aujourd'hui, du bon rock progressif d'aujourd'hui. Et on va débuter avec la formation Professor Tip Top, qu'on aura la chance de voir en 2020 au Festival Terra Incognita. Puis d'après moi, c'est la première fois qu'ils viennent en Amérique. J'ai pas vérifié ça, là, mais quand même, il y a un nouveau groupe là qu'on n'avait pas annoncé encore qui va être là à Terra Incognita, c'est Head With Wings, un groupe que, justement, j'en parlais avec Bruno, là, il avait acheté leur album, dernière parution l'an dernier, ils ont fait un bon disque, et un groupe des États-Unis qui vont être là aussi, donc jusqu'à maintenant, ben, le vendredi soir, il y a 35 tapes de la Norvège et Anekdoten de la Suède. Ensuite, le samedi, il va y avoir ES Project de l'Italie, donc en duo. Ensuite, Sintonia Distorta de l'Italie. Il va y avoir Professor Tip Top de la Norvège et Anekdoten de la Suède. Donc, les deux spectacles d'Anekdoten ne sont pas les mêmes. Celui du vendredi, c'est l'album V-Mod au complet et des pièces du premier album, dont peut-être même la pièce inédite là, qui était seulement sur les copies japonaises quand c'est sorti. V-Mod, leur super album. Et puis, le samedi, ben, il va y avoir des pièces de toute la carrière d'Anekdoten quand même. Et le dimanche, ES Project, Head With Wings, comme je l'ai dit, et quelques Lycée Il Trono avec Francesca Zanetta et leur nouvel album, et également La Maschera di Cera. J'en reviens pas. Bon, alors les billets sont déjà en vente. Allez faire un tour sur notre site. Je pensais jamais que ça allait être possible. Allez faire un tour sur le site terraincognita.québec et vous aurez tous les détails. Terra Incognita 2020, également accès à nos podcasts, et abonnez-vous ou allez faire toujours des tours sur notre page Facebook. On y va en musique avec Professor Tip Top tiré de leur plus récent album, paru cette année, Hybrid Hymns. Également une pièce de la formation américaine Is, tirée de Crush of Night. Ça, c'est un album de 2012. Excellente formation américaine. Et également une autre formation américaine, une belle nouveauté de cette année, Moon Letters, premier album, Until they Feel the Sun. Alors, on y va tout de suite en musique. Thank you. Thank you. Me down. CKRL. Le 25 novembre, CKRL convoque ses membres pour l'Assemblée générale annuelle. C'est votre rendez-vous pour mieux connaître les créateurs de votre radio et prendre connaissance du travail accompli durant la dernière année. En tant que membre, c'est l'opportunité de vous exprimer quant à l'avenir de CKRL. L'Assemblée générale annuelle, ce lundi 25 novembre. Au Centre culture et environnement Frédéric Bach, 870 avenue de Salaberry. Votre présence permet d'enrichir la vie démocratique de votre radio. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Harmonie Montmorency, Festival de la BD francophone de Québec, production Bonne Maison, Épilepsie Section Québec et La Rotonde. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Ça fait une semaine qu'on est arrivé à Charlebourg. Là, il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée d'enlever la pancarte à vendre sur notre terrain. Fait que je sais plus où je reste. Parce que les maisons sont toutes pareilles. À découvrir sur la Fabrique culturelle. Ça faisait drôle pour moi de remettre en scène un certain bout de ma vie. Vivre à 100 000 à l'heure, dans la tête de Louis Bélanger. Je continue, je pense, à faire du cinéma d'auteur. C'est-à-dire que je suis le maître d'œuvre. Je contrôle le genre de cinéma que je veux faire puis comment le film va se faire. L'architecte qui a fait notre polyvalente, c'est le même qui a fait la prison d'Orsainville. Tous les talents d'ici, une seule adresse. Après, faut pas se demander pourquoi on cherche toujours à s'évader pour foxer nos cours. LaFabriqueCulturelle.tv. Et de retour à Terra Incognita. Est-ce que vous avez entendu juste avant la pause? C'était la formation Moon Letters. Ils sont de la région de Seattle et c'est leur premier album, Until They Feel the Sun, paru au mois de juin. Et c'était la pièce de Red Knight. Juste avant, formation américaine Is, tirée de Crush of Night. C'était la pièce This Reality. On avait débuté avec Professor Tip Top de la Norvège. Avec la pièce An Awkward Choice, tirée de leur plus récent album Hybrid Hymns. Ils seront en visite à Québec dans le cadre du festival Terra Incognita en mai prochain. Allez faire un tour sur notre page Facebook ou notre site web pour voir ça. Et puis, on poursuit en musique avec un autre groupe de la Norvège. Bruno a toujours des bons choix musicaux. Alors, ce sera l'album Tribus. De la formation The Windmill. C'est leur troisième album, paru en 2018. Il y aura également Magic Boss, une formation du Royaume-Uni. C'est leur troisième album, paru en 2017. Philip the Egg. Et là, on se transporte dans les années presque fin 60, début 70, années 70, avec ce type de musique. Donc, on y va tout de suite en musique avec cette formation norvégienne The Windmill. just leaves a breath to the sky. The autumn scents suffused into air and me. In the warm light I rise through the soil and reach above the ground. So little, so small, so fragile. It's beginning, I feel it in my tiny limbs, stretching my arms as the sun rises upon me. Distant hills I will see the birds embrace, celebrating the time to come. Bent but not broken, I find my way through. Struggling to push, that's what I'll do. Slowly growing stronger, this can't go wrong. Vase of air and the pouring rain, bringing me strength to become a tree from a tiny grain. Bent but broken, I feel a sense of joy. This must be life, as far as I know. Bye. Some years have gone and I've grown taller at last. I feel the power of the wind coming fast. In the beginning it was scary, but now I like it, and the feelings gone that belong to the past. I thought I never would have come to this stage. Life feels precious and still ages from the end. But here we are, my friends, we out on the heights. Young and strong, and you know what you're all along. Wing dancer, I raise my arms up in the air. Wing dancer, whatever happens, I don't care. Still standing here like kings in our own right. And the snow or rain or sun or the moon, the time stands still, we are immune. I'm quite proud of what I got to become. After all, I was a seed in the ground. I'm standing gracious on my own, majestic and tall and a sight to behold. Wing dancer, I raise my arms up in the air. Wing dancer, whatever happens, I don't care. So relieved from all the problems in this world. Thank you. Disque célèbre avec Groovy Hard Rock le 25e anniversaire de Eater's Digest. Après la réédition de Vacuum, Eater's Digest reçoit le même traitement dans un kit double vinyle disponible dès le 29 novembre partout en magasin et en ligne. Groovy Hard Rock, Eater's Digest, 25e anniversaire, disponible maintenant. Ici Jessica Leb. Le mercredi 27 novembre, Sortie culturelle célèbre les 25 ans de la CEDEC. Dès 15h30, découvrez la Corporation de développement économique communautaire qui a accompagné des centaines d'entreprises d'économie sociale dans l'agglomération de Québec. Saviez-vous que la baie de Beauport et la Maison des métiers d'art en font partie? Soyez des nôtres le mercredi 27 novembre de 15h30 à 17h30 au 155 boulevard Charest et en direct à CKRL. Vous êtes artiste et vous cherchez un nouveau défi? CKRL vous invite au concours Talent en scène à la Korigane. Comment peut-on orienter ses forces? Musique, chant, poésie, slam, humour,

Formation américaine Fido, tirée de leur plus récent album Infernal, et la pièce From Hydrogen to Love. Excellente pièce, Bruno. Très bon choix musical. Comme c'était le cas des autres pièces d'avant, Magic Bus et The Windmill. On poursuit maintenant avec Ostsonaten. Vous connaissez Fabio Zuffanti, il est dans plusieurs projets de l'Italie. Donc, tiré de Winter True, on aura les pièces Entering The Halls of Winter et Red Sky. Alors, c'est pas mal dans cette ambiance-là qu'on est là actuellement avec la température, le début de l'hiver. Et bien, on poursuit avec plein de bonne musique. On aura aussi le groupe Varket du Danemark. Thank you.

consumo la vendetta. La lama fonda piano nelle viscere di Abele. Esistono ore perfette. Esistono ore perfette. Guarda la mia mano, è quella di un assassino. We'll be right back. La formation italienne Nathan, N-A-T-H-A-N, comme on dit en français, et c'est tiré de leur plus récent album Era, et c'était la pièce Esistono Ore Perfette. Juste avant, on avait eu du Danemark Varket, tiré de Young Again, la pièce titre. C'est aussi une pièce qui apparaît sur une compilation avec, qui va avec le Progressiste, magazine belge de rock progressif. Qui offre une compilation avec chacun de leurs magazines. Alors, on va terminer l'émission maintenant avec un groupe canadien, Monarch Trail, tiré de l'album Sand, et sera la pièce Charlie's Kitchen. C'est Bruno Côté au choix musical. Beau choix musical, Bruno, merci. Et à la mise en onde, et Marc Chaudenay à l'animation, on était avec vous jusqu'à 20, on était avec vous depuis 22 heures. Et dans quelques minutes après ça, ce sera l'autoroute avec Jacques Dulac. Alors, restez les nôtres à CKRL. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Terra Incognita. Bonne soirée.